طيب، on commence inshallah. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours 28 dans le livre Sharh Usul al-Iman du Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les explications du Sheikh Salih al-Fawzan hafadahullah ta'ala. Et on commence maintenant un nouveau chapitre dans le livre. On a commencé au dernier cours déjà. Et c'était Babun al-Iman bil-Qadar. Babun al-Iman bil-Qadar. Et on a mentionné dans cette introduction-là, le Cheikh il a mentionné quatre versets dans le Coran. Il dit: وقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. C'est le verset 101 dans Sourate Al-Anbiya. Le deuxième verset, c'est le verset 38 dans Sourate Al-Ahzab. وَمَا كَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Donc ça c'est le verset 38 dans Sourate Al-Ahzab. Le troisième verset c'était le verset 96 dans Sourate As-Saffat. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Et le quatrième verset, c'est le verset 49 dans Surat Al-Qamar, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Ensuite, le Cheikh il a mentionné le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. An Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Inna allaha qaddara maqadir al-khala'iq قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال عرشه على الماء. C'est-à-dire que c'est rapporté selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah a écrit la prédestinée ou la prédestination des créatures avant de créer 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Il a dit, son trône était sur l'eau. Son trône est sur l'eau. Donc ça, c'est l'introduction des points qu'on a expliqués. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il a fait une introduction sur le Qadar. Et il a expliqué Al-Maratib Al-Arba'a. Al-Maratib Al-Arba'a lil-Qadar. Donc c'est ça qu'on avait expliqué au premier cours dans l'introduction. Donc si vous voulez, on va juste faire un rappel rapide de ces quatre maratib que tous les musulmans doivent connaître. Si tu demandes à un musulman c'est quoi les quatre degrés du qadar, ils sont supposés de les connaître. Pourquoi? Parce que la foi d'un musulman en la prédestination, c'est-à-dire le qadar, elle ne peut pas être complète, elle ne peut pas être correcte si la personne n'a pas compris ces quatre degrés du qadar. Et si tu regardes par exemple les gens qui ont des erreurs ou des mauvaises conceptions ou des mauvaises compréhensions au sujet du qadar, c'est parce qu'ils ignorent ou ils n'ont pas bien compris un de ces quatre degrés-là. Donc, pour vous les dire rapidement, c'est Al-Iman ou Bi-Ilmillah. Donc, le premier, c'est Al-Ilm. Le deuxième, c'est Al-Kitaba. Le troisième, c'est Al-Irada. Et le quatrième, c'est Al-Khalq. Al-Khalq. Donc, ça, c'est les quatre degrés. Al-Ilm, donc le fait de croire que Allah, il sait tout. Ya'lamu ma kan. وَمَا يَكُونَ وَمَا سَيَكُونَ فِي الْأَزَلِ وَأَزَلًا. Donc il sait il connaît le passé, le présent et l'avenir. Et il sait même ce qui est impossible, c'est-à-dire ce qui ne s'est pas produit. Et si cette chose s'était produite, comment elle aurait été? Il le sait parfaitement. Ça c'est la connaissance, c'est le premier degré. Deuxième, al-imanu bil-kitaba, c'est-à-dire qu'est-ce que les musulmans appellent en général al-maktoub. Souvent les musulmans quand il arrive quelque chose, ils disent al-maktoub, had al-maktoub. En réalité, et quand ils disent al-maktoub, ils veulent dire al-qadar. Sauf que al-kitaba ou al-maktoub, c'est un degré seulement parmi les degrés du qadar. C'est pas le qadar au complet. D'accord? Donc, al-kitaba, le fait que Allah Azzawajal, il a tout écrit. Qu'est-ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps? Et il y a un hadith rapporté par Ahmad, Abu Daoud et At-Tirmidhi à ce sujet. Et il y en a aussi un rapporté par Muslim qui mentionne que lorsque Allah a créé les cieux et la terre, ou bien plutôt, la première chose que Allah a créée, c'est la plume et il lui a ordonné d'écrire. Alors, il a dit, écris tout ce qui va se produire jusqu'au jour de la résurrection. Et l'autre hadith qui dit que Allah Azzawajal, il a écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, il a écrit tout ce qui va se produire. Hein? Donc ça, c'est Al-Kitaba. Le troisième degré, c'est Al-Irada. Al-Irada, c'est-à-dire la volonté d'Allah. Et que tout ce qui se produit, hein, et tout ce que Allah a su, et tout ce qu'il a produit, tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps et qu'il a écrit dans son livre, ça n'arrive que selon sa volonté. Il n'y a rien qui sort de la volonté d'Allah Azzawajal. Il y a Al-Irada qui se divise en deux catégories. Il y a Al-Iradatul Kawniya ou Al-Iradatul Shar'iya. L'Iradatul Shar'iya, c'est celle qui est connue par l'intermédiaire de ce qu'il a révélé, c'est-à-dire à ses messagers et dans les livres. Ça, c'est Al-Iradatul Shar'iya. Al-Iradatul Kawniya, ça, c'est Al-Mashi'a. Al-Iradatul Kawniya, ça, c'est Al-Mashi'a. Et c'est ce que Allah Azzawajal a créé et qu'est-ce qu'il a prédestiné. Et c'est-à-dire, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et donc, tout ce qui va se produire jusqu'à la fin du temps. Et Allah Azzawajal, il fait ce qu'il veut. Fa'alul lima yurid. Et il n'y a rien qui peut opposer sa volonté. Il n'y a rien qui peut se produire contraire à ce qu'il a prédestiné. Hein? D'accord? Et le point numéro 4, c'est al-khalq. Al-khalq, c'est-à-dire la création. C'est-à-dire de croire que tout ce qui arrive dans la création, que ce soit bien ou mal, bon ou mauvais, hein, que ce soit de l'obéissance ou de la désobéissance, du kufr ou de la foi, hein, du shirk ou du tawhid, tout ce qui arrive dans la création, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a créé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs créateurs. Il n'y a pas un créateur du bien puis un créateur du mal, comme chez les Majus, par exemple. Les Majus, ils disent qu'il y a deux dieux, le dieu de la lumière, le dieu des ténèbres. Le créateur du bien, le créateur du mal. Non, il y a un seul créateur, c'est lui qui a tout créé. Il a créé le bien et le mal. Et le mal qu'il a créé, même dans ce mal-là, il y a du bien. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est pour une sagesse. Donc, il n'y a pas de mal absolu dans ce que Allah a créé. D'accord? Même dans les choses qu'il a créées, qui peuvent nous paraître mal, il y a du bien. Parce que Allah Azzawajal, il l'a créé pour une sagesse. Même dans la création de Iblis, hein, il y a du bien. Parce qu'il s'en sert pour tester les croyants et pour distinguer entre ceux qui méritent sa récompense et ceux qui méritent son châtiment. Hein? Et donc, tout ça, c'est pour expliquer donc que Allah Azzawajal, il a tout créé. Mais par respect pour Allah et par bon comportement envers Allah, on ne dit pas le créateur du mal. Hein? Même si tu regardes dans le Coran, on dit min sharri ma khalaq. Hein? Min sharri ma khalaq, le mal de ce qu'il a créé. On n'attribue pas le mal à lui. Hein? Wa sharru laysa ilayk. Hein, le mal n'est pas attribué à toi. Biyadikal khair. On n'attribue pas le mal à Allah par respect pour Allah, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas lui qui l'a créé. Par exemple, quand on invoque Allah, on dit hein, yani Rabbi, hein, Rabbi samawati wal ard, Khaliq samawati wal ard. On ne dit pas, par exemple, Khaliq al-khanazir, hein, on ne dit pas ça. Le créateur des pauvres, pourtant c'est lui qui les a créés. Mais on ne le dit pas par respect. Hein? Allah, il l'a créé pour une sagesse, pour tester les hommes et pour les éprouver. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il les a créés, parce qu'il y a des gens comme ça, qui pense que parce que Allah a créé quelque chose, ça veut dire qu'il l'aime et qu'il l'a légiféré, que ça veut dire que c'est halal parce qu'il l'a créé. Donc il y a des gens par exemple qui disent la marijuana c'est naturel, c'est Allah qui l'a créé, donc pourquoi c'est interdit? C'est pas parce que Allah l'a créé que il l'a permis. L'alcool, c'est Allah qui l'a créé, mais il l'a interdit dans la révélation. D'accord? Le porc, il l'a créé, mais il a interdit qu'on le mange. D'accord? Et donc, c'est pas parce que Allah il a créé quelque chose, ça veut dire qu'il aime cette chose, et ça ne veut pas dire qu'il a légiféré cette chose ou permis cette chose. Donc, tout ça, c'est pour réfuter ces quatre degrés-là. Si tu les comprends comme il faut, tu vas être capable de comprendre où les gens d'égarement et les sectes d'égarement ont dévié dans ces questions-là. Que ce soit les Jabriya ou les Qadariya. Al-Jabriya ou Al-Qadariya, c'est deux sectes qui ont dévié au sujet de la prédestination. Et leur déviation est à deux extrêmes. Les Qadariya, c'est ceux qui nient la prédestination. Ils disent non, l'être humain, il est libre complètement. Il n'y a pas la volonté d'Allah, elle n'est pas au-dessus de la volonté des créatures. Et la connaissance d'Allah, elle ne sait pas qu'est-ce que les créatures vont faire avant qu'ils le fassent. Et ainsi de suite. Ça, c'est les Qadariya. C'est des gens perdus, égarés. Et parmi les Qadariya, ceux qui rentrent dans cette secte-là, il y a les Mu'tazila. Les Mu'tazila sont des Qadariya. Et les Shia, Rafida, sont des Qadariya aussi. Parce que les Shia ont tous adopté la aqida des Mu'tazila. Donc, ils nient les attributs et les noms et le Qadar. D'accord? Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a écrit son livre Al-Minhaj. Et dans ce livre-là, il réfute yani, les Shia et les Mu'tazila. Et il y a l'autre extrême qui est l'extrême des Jabriya. Al-Jabriya, c'est ceux qui disent la volonté d'Allah, elle est au-dessus de tout, dans le sens que l'être humain, il n'a pas de volonté du tout. Hein? Donc, il élimine complètement la volonté des créatures. Et il rend les créatures un peu comme une feuille qui est dans le vent. Elle se laisse pousser à gauche et à droite, elle n'a aucun contrôle et aucune volonté. Donc, toi, si tu fais du bien, c'est Allah qui le fait. Si tu fais du mal, c'est Allah qui le fait. T'as rien à te reprocher, t'as rien à te glorifier. En voulant dire tes actions, c'est pas tes actions, c'est les actions d'Allah. Et ils essaient de déformer certains versets pour essayer d'interpréter les choses de cette manière. Et ceux qui croient en cette compréhension-là, parmi les Jabriya, ce sont différents groupes. Et parmi eux, les Jahmiya, les Jahmiya sont des Jabriya. Et aussi, parmi les Jabriya, il y a certains extrémistes parmi les Soufiya qui ont cette croyance-là. De même que les Asha'ira. Al-Asha'ira, ils ont une forme de Jabriya hein, également. Donc ça, c'est les deux extrêmes. Et Ahl-Sunnati wal-Jama'a sont entre les deux. Dans le sens qu'ils affirment la volonté d'Allah et la science d'Allah. Hein, et que la volonté d'Allah et la puissance d'Allah est au-dessus de celle des créatures. Puis en même temps, ils affirment que l'être humain, il a une volonté et une capacité aussi. D'accord? Et une liberté dans sa façon d'agir. Mais que la volonté de l'être humain, ainsi que sa capacité, est soumise à la volonté d'Allah et à sa toute-puissance. D'accord? Et dans le Coran, il y a plusieurs versets qui affirment ce principe-là. Comme par exemple, Allah Azza wa Jal, il dit « فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا « فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا « وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ » Donc celui qu'il veut, qu'il emprunte le chemin vers son Seigneur. Ça prouve que l'être humain, il a une mashi'a, il a une volonté. Mais vous ne pouvez pas pouvoir accepter ce qu'Allah l'a voulu. Donc, tu as une volonté, mais la volonté d'Allah est au-dessus de la tienne. D'accord? Et chacun, il est responsable de ses propres actions. Et c'est pour cette raison-là que l'être humain, il est responsable, hein, de ce qu'il fait et de ce qu'il dit, et qu'il aura des comptes à rendre pour ça. Tandis que les actions qu'il fait, qui sont des actions dans lesquelles il n'a pas de contrôle, des accidents ou des erreurs qui sont faites malgré lui, ou bien, par exemple, des actes qui sont faits alors qu'il dort, ou quand il a perdu la conscience, ou quand il est fou, il n'est pas responsable de ça. Ça, il n'est pas coupable de ça. Mais s'il est conscient, il a sa raison et il sait ce qu'il fait, alors il est responsable de ce qu'il fait parce que c'est avec sa volonté et sa capacité qu'il le fait. Et c'est pour ça que il va être rétribué pour ce qu'il fait dans l'au-delà. Si c'est du bien, il aura du bien. Si c'est du mal, il aura du mal. D'accord? Donc personne ne peut utiliser le qadar comme excuse pour justifier ses péchés. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah Azzawajal, il dit, celui qui veut choisir la foi, qu'il choisisse la foi. Celui qui veut choisir... Non, c'est-à-dire, c'est-à-dire, si tu veux, tu choisis la foi. Si tu veux, tu choisis la mécréance. Ça veut dire que tu es libre de choisir l'un ou l'autre. Mais, à la suite, il y a une menace pour celui qui choisit la mécréance, il aura le feu de l'enfer. C'est ça la différence. Tu es libre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Toute ma umma va rentrer au paradis, excepté celui qui refuse. Alors, les sahabas, ils ont dit, mais qui va refuser au messager d'Allah? Qui va refuser de rentrer au paradis? Est-ce qu'il y a un musulman qui veut dire avec sa bouche, je refuse de rentrer au paradis? Non. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man ata'ani, dakhala al-jannah, wa man asani, faqad aba. Celui qui m'obéit, il entre au paradis. Celui qui refuse, celui qui me désobéit, il a refusé. Donc, le refus, parfois c'est avec la langue, mais parfois c'est pas avec la langue. Parfois c'est avec les actions. Et c'est pour ça qu'on dit des fois lisan al-hal wa lisan al-maqal. Comme quand, qu'est-ce qu'on disait par exemple dans la khutba tout à l'heure, que certains musulmans, ils disent Allah, il a manqué à sa promesse envers nous parce que on a la foi et on a fait les bonnes œuvres, puis Allah, il ne nous donne pas la victoire. Donc, Allah, il a manqué sa promesse. Et est-ce qu'il y a un musulman qui dit ça avec sa bouche? Non, personne ne va dire ça. Mais avec leur action, c'est comme s'ils le disaient. Oh Allah, pourquoi tu ne nous donnes pas la victoire? Pourquoi les Juifs, ils ont le dessus sur nous? Alors que nous, on a la foi et on fait les bonnes œuvres et on est pieux. Donc, on devrait avoir la victoire. Si on n'a pas la victoire, tu as manqué à ta promesse. Hein? Mais ils n'ont pas réalisé que qu'est-ce que signifie d'avoir la foi? Qu'est-ce que c'est la foi? Ils ne connaissent pas la aqida. Comment ils peuvent avoir la foi correcte? C'est pour ça que tu les trouves sur la aqida des Rafida, Shia, la aqida des Asha'ira, la aqida des Khawarij, la aqida des Murji'a, la aqida des Soufia, hein? La aqida des toutes sortes de bid'a. Puis ils disent qu'ils ont la foi. Une foi qui n'est pas correcte. Hein? Une foi qui a du shirk dedans, ou des bid'a dedans, ou des égarements dedans. Et al-amal al-salih, il y a dans leurs actions beaucoup de bid'a. Déjà, dans les actions, beaucoup de bid'a. Bid'a des khawarij, bid'a des soufiyah, bid'a des shi'a, hein? Bid'a des kuburiyah, bid'a des ikhwan, de tablir. Beaucoup de taqlid, de kuffar, imitation des kuffar, beaucoup de péchés, de désobéissance. Donc, amal salih, il n'est pas nécessairement là. Donc, Allah, il n'a pas manqué à sa promesse, mais nous, on n'a pas rempli la condition. C'est pour ça qu'il ne nous a pas aidés. Donc, lisan al-hal, c'est autre chose. Lisan al-maqal, c'est autre chose. D'accord? Donc, on continue, inshallah, avec qu'est-ce qu'on avait terminé d'expliquer. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit, فلا بد من الإيمان بهذه المراتب كلها، سواء الإيمان بعلم الله السابق أو الإيمان بالكتابة باللوح المحفوظ، والإيمان بمشيئة الله وإرادته وبكل ما يحدث، والإيمان بأن كل ما يحدث بأنه خلق الله سبحانه وتعالى. فلا أحد يخلق مع الله عز وجل، ولا يكفي الإيمان بمرتبة دون مرتبة أخرى، أو بمرتبة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فلا بد من الإيمان بكل هذه المراتب الأربعة، وهي موجودة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب. ويقول تعالى: يعلم ما في السماء ويعلم ما في السماء والأرض، هذه مرتبة العلم. ويقول تعالى: إن ذلك في كتاب، هذه مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ. ويقول تعالى: إن ذلك على الله يسير، هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. ثم إنه بعد الإيمان بالقضاء والقدر وإثباته كما جاء: فلا ينبغي ترك العمل بحجة أن كل شيء مقدر، ويكتفي التسليم بالقضاء والقدر وبحجة أن دخول الجنة والنار مقدر منه سبحانه وتعالى ولا فائدة من العمل. هذا كلام باطل، لأن الإنسان مأمور بالعمل، إذ دخول الجنة لا يكون إلا بالعمل لها، ولا يمكن دخول الجنة إلا بسبب. والله لا يعذب على القضاء والقدر، إنما يعذب على الأعمال، ولا ينعم بالقضاء والقدر وإنما بالأعمال. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فالثواب والعقاب لا يتعلقان بالقضاء والقدر، وإنما يتعلقان بأفعال العباد. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن كل إنسان مقدر مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني الجنة، فسنيسره لليسرى. ورتب تفسيره لليسرى على العمل، على عمل العبد. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وهي النار على رتب، وتيسيره للعسر عمل العبد وليس بسبب القضاء والقدر. Donc on va traduire jusqu'ici. Le cheikh dit donc qu'il faut croire en ces degrés-là, tous, tout en entier. C'est-à-dire que tu ne peux pas croire en un degré puis ne pas croire en l'autre. Il faut les accepter tous. Donc de croire en la science d'Allah, qu'il connaît toutes les choses précédentes, passées, présentes et futures. La foi également en le fait que Allah a tout écrit dans la table préservée. La foi en la volonté d'Allah Azza wa Jal, qu'il a voulu tout ce qui se produit. Et la foi que tout ce qui arrive, c'est Allah qui le crée. Et donc, il n'y a personne qui crée avec Allah quoi que ce soit. Et donc, tu ne peux pas juste croire en un de ces degrés-là, ou en deux, ou en trois. Il faut croire en les quatre ensemble. Et tous ces degrés sont mentionnés dans le Coran. Et dans le Coran, ils ne sont pas nécessairement mentionnés en ordre, ou un après l'autre. Mais ils sont mentionnés, certains sont mentionnés ensemble, certains sont mentionnés séparément. Mais ils sont tous mentionnés dans le Coran, et on les retrouve également dans la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les exemples que le cheikh il mentionne dans le Coran, des versets dans lesquels Allah Azza wa Jal il dit: n'as-tu pas vu que Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Et cela est certes dans un livre. Et donc la science, c'est le degré de la science. Et la mention de qu'est-ce qui est écrit dans le livre ou qu'est-ce qui est dans un livre, ça c'est le degré de l'écriture et de la table préservée. Et cela est certes facile pour Allah. Hein? Donc tout ça c'est parmi les exemples des degrés de la foi en le décret divin et la prédestination. Après avoir cru en ces degrés de la foi et de la prédestination et de les avoir affirmés comme il faut, eh bien ça c'est pas une excuse pour nous. Pour qu'on dise, par exemple, on ne va pas faire d'action, hein? On va laisser les actions. Parce que de toute façon, tout ce qui va arriver, c'est prédestiné. Notre place au paradis, elle est prédestinée. Notre place en enfer, elle est prédestinée. Donc, qu'on fasse, peu importe qu'est-ce qu'on fait comme action, c'est déjà décidé. Allah, il le sait déjà et il l'a déjà écrit. Alors, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. On va juste rester assis et attendre notre jugement. C'est ça, comme tu dis, on va pas manger, on va rester assis. Non, mais c'est ça, qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est un argument contre eux. Parce que, comme tu dis, pour manger, ils sont obligés de bouger. Ils ne peuvent pas juste dire, on va attendre le qadar. Je vais rester assis ici, je vais pas bouger. Je vais attendre le qadar, puis ma nourriture, elle est écrite, donc je vais rester assis, et la nourriture va apparaître devant moi comme ça. Non, ils savent que ça ne vient pas. Il faut qu'ils aillent travailler, il faut qu'ils aillent chercher la nourriture. Supposons qu'ils ne travaillent pas, ou bien supposons qu'ils sont dans un endroit où il n'y a pas de travail. Mais quand même, ils sont obligés d'aller pêcher dans la rivière des poissons, ou sont obligés d'aller cultiver la terre pour récolter les légumes. Ils sont obligés de grimper dans l'arbre pour aller chercher les fruits. Hein? Ils sont obligés d'aller faire paître les moutons, hein? Et les troupeaux de vaches, s'ils ont des vaches. Ils sont obligés d'aller traire les vaches pour prendre le lait. Ils sont obligés d'aller égorger la vache s'ils veulent manger du bœuf. Hein? Tout ça, c'est du travail. Tu es obligé d'agir. Donc, si c'est le cas pour manger, tu es obligé de travailler. Alors, comment ça, pour aller au paradis, tu ne vas pas travailler, tu dis, je vais rester assis. Ça ne fait pas de sens. Hein? Et après, le cheikh, c'est ce qu'il explique maintenant. Il dit, eux, ils disent, pas besoin de faire d'action. L'entrée au paradis ou en enfer, c'est déjà prédestiné. Donc, ça ne sert à rien d'agir. Le cheikh, il dit, ça, c'est une parole qui est totalement fausse. Il dit, pourquoi? Parce que l'être humain, il est ordonné d'agir. Allah lui a ordonné d'agir, de faire les œuvres. Et donc, tu ne vas rentrer au paradis que par tes actions, et tu ne vas rentrer en enfer qu'à cause de tes actions. Donc, ça veut dire que Allah, il ne va pas te punir pour le décret divin, qu'est-ce qui a été prédestiné. C'est-à-dire, il va pas te punir par rapport à ce qui est prédestiné et ce qui a été décrété dans le décret divin. Et il ne va pas non plus te châtier ou te récompenser par rapport à ce qui a été prédestiné ou qu'est-ce qui a été décrété dans la prédestination. Plutôt, il va te punir pour tes actions et il va te récompenser pour tes actions. Et comme Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 46 dans Sourate Fussilat, celui qui fait du bien, c'est pour lui-même, et celui qui fait du mal, c'est contre lui-même. Et ton Seigneur ne fait aucune injustice à ses serviteurs. Donc, la récompense et le châtiment ne sont pas reliés au décret et la prédestination, mais ils sont reliés aux actes des serviteurs. Et c'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé les sahaba en leur disant que chacun avait sa place prédestinée, soit au paradis, soit en enfer, ils ont dit, ô messager d'Allah, alors pourquoi on fait les actions dans ce cas-là? Est-ce qu'on ne peut pas juste se reposer sur ce qui a été écrit pour nous et laisser tomber les actes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, faites les œuvres, agissez, car chacun sera facilité dans ce pourquoi il a été créé. C'est-à-dire, celui qui fait partie des gens du bonheur, Allah va lui faciliter à faire les actions des gens du bonheur, tandis que celui qui a été prédestiné pour être parmi les gens du malheur, Allah va lui faciliter les actions des gens du malheur. Et puis il a récité le verset dans Sourate Al-Layl, dans lequel Allah Azza wa Jal dit: celui qui a donné et qui a été pieux, qui s'est préservé, eh bien, et qui a cru en Al-Husna, c'est-à-dire qui a cru en le paradis, Allah va lui faciliter la facilité. Et il dit donc qu'il a établi ici la récompense pour le bien, hein, c'est-à-dire pour les bonnes œuvres que la personne fait, les actions du serviteur. Et celui qui fait preuve d'avarice, c'est-à-dire il est avare, et starna, c'est-à-dire il se pense suffisant à lui-même, et qui traite de mensonge le paradis, Allah va lui faciliter, hein, la difficulté, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus dur, c'est-à-dire l'enfer. Donc, ici on voit comment il a établi comme conséquence, hein, de la désobéissance et des péchés, l'enfer pour celui qui fait les choses interdites, et c'est l'action du serviteur. Et donc, ce n'est pas à cause de ce qu'il a prédestiné. Hein? Parce que Allah Azza wa Jal, il nous a mis sur terre pour agir et pour établir la preuve pour ou contre nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui va arriver en enfer ou quelqu'un qui va rentrer au paradis, il ne pourra pas dire: oh Allah, je l'ai mérité, ou oh Allah, je ne l'ai pas mérité. Hein? Il ne peut pas dire: oh Allah, je n'ai pas mérité ça, je n'ai pas mérité l'enfer. Oh Allah, je n'ai pas mérité le paradis. Non, chacun il a fait ses actions. Chacun il a établi la preuve par ses œuvres, pour ou contre lui-même. Et c'est pour ça qu'il nous a fait justement cette épreuve et ce test sur terre. Il aurait pu sinon nous mettre directement au paradis, ou nous mettre directement en enfer, selon ce qu'on mérite. Parce que de toute façon, il a la connaissance de toutes choses, et il est absolument parfait et juste. Il ne fait pas d'injustice envers les créatures. Mais il n'a pas fait de cette façon-là. Il a voulu que chacun puisse voir par lui-même qu'est-ce qu'il fait. Comme ça, il n'a personne d'autre à blâmer que lui-même. Donc tu arrives dans l'au-delà, tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce qui t'attend, tu sais ce que tu mérites. Et la preuve, elle a été établie contre toi-même, par toi-même, ou pour toi-même, par la grâce d'Allah et par la justice d'Allah. Donc, ce n'est pas à cause de la prédestination que tu es jugé, ou que tu es puni, ou que tu es récompensé. C'est selon tes actes, selon tes œuvres. Hein? Ils ont reconnu leur péché. Donc, ils ont reconnu. Hein, c'est quand dans Surat Al-Mulk, quand Alam ya'tikum nadhir, est-ce qu'il n'y a pas un. Les anges, ils leur demandent: est-ce qu'il n'y a pas un messager qui est venu, un avertisseur qui est venu pour vous avertir? قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. Et on a dit: Allah, il n'a rien révélé. Et ils ont dit: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Si seulement on avait écouté et utilisé notre aql, notre raison, on n'aurait pas été parmi les gens de la fournaise. Ils ont reconnu, hein, leur péché à ce moment-là, leur shirk et leur kufr, et leur égarement et leur bid'ah. Donc, le cheikh, il dit, فَإِذَا كَانَ, hein, il dit, فَإِذَا كَانَ الْجُوعُ الَّذِي يَشْعُرُ بِهِ الْإِنسَانِ يَتَطَلَّبُ الْبَحْثُ عَنِ الطَّعَامِ وَالرِّزْقِ وَكَذَا دَفْعُ الظُّلْمِ يَحْتَاجُ إِلَى عَمَلٍ وردة فعل وطلب القصاص من ظلم فكيف يقال إن الجنة والنار لا يحتاجان إلى عمل أو إن المصير إليهما لا يترتب على العمل الذي يقوم به العبد؟ والحق أنه لا بد من السعي والعمل سواء في أمور الآخرة أو في أمور الدنيا. فإذا كان الإنسان في أموره الدنيا لا يتكل على القضاء والقدر فأمور الآخرة من باب أولى. فليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر ترك العمل، لأن هذا لا يكون إلا من القدرية الذين يحتجون بالقدر بالقضاء والقدر على ترك الفرائض، وهم محجوجون. وكونهم لا يحتجون بالقضاء والقدر من مصالحهم الدنيوية، يعني وكونهم لا يحتجون بالقضاء والقدر في مصالحهم الدنيوية. Donc ici le cheikh il explique que quand quelqu'un ressent la faim, comme on disait tout à l'heure, quand quelqu'un ressent la faim, il fait les efforts pour chercher la nourriture. Hein? Subhanallah. Si tu te lèves, le matin tu te lèves chez toi, il n'y a pas de nourriture dans le frigidaire, il n'y a pas de nourriture dans les armoires, il n'y a pas de nourriture. Tu peux attendre comme ça, rester une heure, deux heures, trois heures. Peut-être à la limite une journée, même encore là. Hein? Tu commences après, le lendemain c'est certain que tu vas faire quelque chose. Tu vas sortir de chez toi, tu vas chercher quelque chose à manger. Parce que l'être humain, il est obligé de manger. Hein? Même des fois, il va arriver, si c'est dans des cas extrêmes où il n'a rien à manger du tout, il va trouver des choses qu'en temps normal, il n'aurait jamais mangé. Il va les manger. Quand il n'a pas le choix. Quand il a faim, même ce qui n'est pas bon, il devient appétissant. Ça, c'est la réalité. Hein? Donc ça veut dire quoi? L'être humain, il est obligé de faire des actes pour arriver à trouver à manger. Donc si c'est le cas, il dit même si quelqu'un te fait une injustice, tu vas agir pour rechercher la justice de ce que quelqu'un t'a fait comme injustice pour établir la justice de celui qui t'a fait une injustice. Donc si c'est le cas pour des affaires de la dunya comme ça, alors comment quelqu'un peut se permettre de dire à propos du paradis et de l'enfer que ça ne nécessite pas d'action? Et que le destin ou la conclusion ou l'endroit où va se retrouver l'être humain dans l'au-delà, c'est pas basé sur les actions qu'il a fait. C'est basé sur le qadar, des choses comme ça. Et qu'on n'a pas besoin de faire des efforts pour faire les œuvres. Hein? On a besoin de faire des œuvres pour tout, sauf pour les choses qui ont rapport avec l'au-delà. Hein? Et pour les affaires de la dunya, oui. Mais les affaires de l'au-delà, non. Donc le cheikh, il dit, si les affaires de la dunya, l'être humain, il ne se base pas sur le qadar ou le qadar, sur le destin et la prédestination, pour justifier de ne pas faire des œuvres, alors encore plus pour les affaires de l'au-delà, il ne devrait pas le faire. Hein? Il ne devrait pas justifier par le qadar ou le qadar. Et donc, le fait que tu crois en la prédestination, c'est comme certains koufars qui disent les musulmans sont des fatalistes. C'est ça qu'ils veulent dire en fait. Pourquoi ils disent ça? Souvent parce qu'ils parlent des qadariyas. Quand je dis les qadariyas aussi, il faut comprendre parfois par rapport à la terminologie que les ulama emploient. Des fois, ils utilisent les qadariyas dans le sens de ce qu'on a mentionné, ceux qui nient le qadar. Mais des fois, ils utilisent le terme qadariyas de façon générale, dans le sens que ça implique tous ceux qui ont un égarement dans le qadar, que ce soit les jabriyas ou les qadariyas, ils les appellent tous les deux qadariyas. D'accord? Donc, si vous entendez parfois le terme qadariyas et que vous voyez les descriptions correspondent aux descriptions des jabriyas comme il le fait ici le cheikh, ça veut dire qu'il parle des qadariyas de façon générale, en voulant dire ceux qui ont un problème avec le qadar. Peu importe la catégorie ou la sorte de problème, que ce soit qu'ils exagèrent dans l'affirmation ou qu'ils exagèrent dans la négation. D'accord? Mais, donc ici, le cheikh, il explique ça. Et il dit, hein, les qadariyas, c'est-à-dire en réalité c'est les djabriyas, ils se basent sur le qada ou le qadar pour justifier le fait de ne pas faire les obligations, ou pour justifier le fait de faire des péchés. Comme l'homme que Omar ibn al-Khattab a attrapé une fois en train de voler. Il lui a dit, oh Amir al-Mu'minin, j'ai volé par le qadar d'Allah. C'est-à-dire que si j'ai volé, c'est par le qadar d'Allah. Donc c'est Allah qui a prédestiné que j'avais volé, c'est pas de ma faute. Et Omar, il lui a répondu. Il lui a dit, et moi je vais te couper la main par le qadar d'Allah. Naam. Et les salafs, ils disaient, hein, lorsqu'il y a eu il y a eu la peste dans une ville, et les sahaba, ils s'en allaient vers cette ville-là pour aller la prendre. Alors, yani, ou bien ils allaient là-bas, ils allaient pour une raison quelconque dans cette ville. En chemin, ils ont entendu qu'il y avait la peste. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à propos de la peste, il dit, si vous entendez qu'il y a la peste dans une ville, n'y entrez pas. Et si vous y êtes, n'en sortez pas. Hein? Et là, il y a un des compagnons qui ne connaissait pas ce hadith. Il a dit au compagnon, Atafirru min al-maut, ou Atafirru min al-qadar, est-ce que tu veux fuir du qadar? C'est-à-dire, tu as peur de rentrer dans la ville où il y a la peste. Et il n'y a rien qui peut te toucher de la peste excepté par le qadar d'Allah. Donc pourquoi tu as peur de rentrer? Et lui, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Hein? Il dit, Nafirru min qadarillah ila qadarillah. On s'enfuit du qadar d'Allah vers le qadar d'Allah. Parce que de toute façon, tout ce qui va arriver, c'est dans le qadar. Donc on ne va pas frapper le qadar par le qadar. Tout ce qui arrive, c'est prédestiné par Allah. Et si tu prends tes précautions pour éviter le mal, ça fait partie du qadar aussi. Et ça fait partie de la charia. Donc, tout ça, c'est des explications pour nous montrer comment, hein, on n'utilise pas yani le qadar pour justifier nos péchés ou pour justifier notre négligence de la religion, de la même manière qu'on n'utilise pas le qadar dans les éléments de la dunya pour justifier notre paresse ou notre nonchalance, hein, ou le fait qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire. D'accord? Donc ça, c'est très important. C'est comme par exemple, des fois, tu vois certains musulmans, ils disent des paroles des qadariyas sans même le savoir. Tu dis à quelqu'un, tu dis à un homme, viens faire la salat. Fais la salat, mon frère, pourquoi tu ne pries pas? Il dit, Inch'Allah. Si Allah veut, je vais prier. Quand Allah va vouloir, je vais prier. Idha Allah sa'usalli. N'est-ce pas que Allah, il veut que tu pries déjà parce qu'il a révélé dans le Coran. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans la sunna, wa aqimu salat. Donc Allah, il veut que tu établisses la salat. Pourquoi tu dis quand Allah va vouloir? Tu sais qu'il veut, il a révélé ça dans son Coran. Ça, c'est sa volonté. Al-irada shar'iyya. Et c'est ça qu'on est ordonné de suivre, la volonté dans ce qui est révélé. Donc comment tu peux dire quand Allah va vouloir? Allah, il veut déjà. Hein? Ou la femme qui ne porte pas le hijab, tu lui dis, mais quand est-ce que tu vas t'habiller comme il faut? Quand est-ce que tu vas porter le hijab? Incha'Allah. Idha sha'Allah. Quand Allah va vouloir me guider. Idha sha'Allah an yahdiyani. Allah, il t'a ordonné dans le Coran de le faire. Donc, comment ça tu dis quand Allah va vouloir? Il a révélé ça dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans la sunna, que c'est obligatoire pour le croyant. Donc, tu ne peux pas dire quand il va vouloir. Il le veut déjà, tu le sais déjà. Donc, il ne reste qu'une chose à faire pour toi, c'est de le mettre en pratique. Et de ne pas chercher des excuses dans le qadar pour essayer de justifier tes négligences ou tes péchés ou tes fautes. D'accord? Ça, c'est très, très important. Allah al-Musta'an. Déjà, ils disent des choses. Ça fait aucun sens, yani. En tout cas, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah. et on va continuer au prochain cours à expliquer d'autres détails sur ce sujet très très important dans la foi du musulman. Et tu vois que le sujet du qadar, il est directement relié avec la foi en Allah et son tawhid. Il est directement relié avec la aqida, hein, du tawhid d'Allah. Pourquoi? Parce que le qadar, c'est le qadar d'Allah. Le qadar d'Allah, c'est la puissance d'Allah, c'est la volonté d'Allah, c'est la science d'Allah. Tout ça, c'est des questions qui ont rapport avec le tawhid d'Allah et la compréhension de la aqida. Donc, celui qui n'a pas compris le qadar n'a pas compris le tawhid. Et c'est pour cette raison-là que c'est extrêmement important pour le musulman de bien étudier sa aqida pour éviter de tomber dans l'égarement et de ne pas rentrer dans la philosophie à propos de ces questions-là, de la même manière que les Qadariyya et les Jahmiyya et les Mu'tazila et les Asha'ira qui philosophisent dans ces questions-là. Ils parlent de ces sujets-là sans se référer au Coran et à la Sunna et la compréhension des salafs. Et à cause de ça, ils s'égarent du droit chemin. Donc ça, c'est une chose très, très, très importante. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.